الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 54 dans la lecture du livre de l'imam As-Sabuni رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث et avec les explications du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Donc on est toujours dans le chapitre au sujet du fait que yani, les gens de la sunna, ils ne déclarent pas une personne comme étant mécréante si elle fait partie des musulmans à cause d'un péché quelconque qu'elle a commis. Donc on a expliqué que les kaba'ir, les péchés, en dehors du shirk, ne font pas sortir, en dehors du kufr majeur ou du shirk majeur, ne font pas sortir de l'islam, contrairement au khawarij et au mu'tazila. Et on continue donc à ce sujet-là. Le cheikh, l'imam As-Sabuni, il dit « Wa kana shaykhuna al-imam Abu Tayyib Sahl ibn Muhammad As-Su'luki » رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال والثقال والأنكال الثقال والعياذ بالله والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء أو وتنكيس ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكفار يحرق بدنه كله وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم وإذ حرم الله على النار أعضاء سجوده ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال أما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. Donc ici c'est une explication de l'imam As-Sabuni. Il cite son cheikh l'imam Abu Tayyib Sahl ibn Muhammad As-Su'luki rahimahullah qui disait que le croyant pécheur, le croyant pécheur, même s'il est châtié dans l'enfer, il ne sera pas jeté à la manière des koufars. C'est-à-dire, il ne sera pas jeté dans l'enfer de la façon dont les koufars y sont jetés. Et il ne va pas non plus y demeurer de la façon dont les koufars y demeurent. Et il n'y sera pas malheureux de la façon dont les koufars y sont malheureux. Et ensuite, il continue en expliquant chaque point dans cette citation. Donc, l'imam As-Sabuni, il dit la signification de cela est que le kafir, il est jeté dans le feu, sur son, il est jeté sur son visage. Hein, c'est comme si on voulait dire qu'on le jette face la première dans le feu. Donc il est jeté à l'envers, enchaîné et dans des carcans, hein, dans des carcans qui sont lourds. Tandis que le croyant, lui, qui fait des péchés, hein, ou qui a fait des péchés, lorsqu'il est brûlé dans le feu, eh bien, il entre dans le feu de la même manière que le criminel dans ce bas monde entre dans la prison, sans qu'on le jette dans le feu et sans qu'il soit la tête en bas. Et il dit la signification de la parole du Cheikh quand il dit ils ne sont pas jetés dans l'enfer de la façon dont les koufars y sont jetés, c'est-à-dire que le kafir, quand il brûle dans l'enfer, c'est son corps en entier qui brûle. Et chaque fois que sa peau est brûlée, complètement calcinée, Allah Azza wa Jal lui remplace sa peau par une nouvelle peau pour qu'il goûte au châtiment. Comme Allah Azza wa Jal l'a expliqué dans le verset 56 dans Sourate An-Nisa, dans lequel il dit ce qui signifie « Certes, ceux qui ont renié la foi en nos versets, nous allons les brûler dans l'enfer. » Chaque fois que leur peau est brûlée, nous leur changeons en leur donnant une peau nouvelle. Hein, on leur change leur peau pour qu'ils goûtent au châtiment. On leur donne une autre peau pour qu'ils goûtent au châtiment. Il dit, tandis que les croyants, eux, eh bien, le feu ne va pas brûler leur visage. Il ne va pas non plus brûler les membres de la prosternation. Car Allah Azza wa Jal a interdit au feu de brûler les membres de la prosternation. Et il dit ensuite la signification de la parole lorsqu'il dit « Et il ne restera pas en enfer de la manière dont les koufars vont y rester, c'est-à-dire que le kafir, il restera en enfer pour l'éternité et il n'en sortira jamais. » Tandis que, hein, il dit le kafir, il est éternellement en enfer. Tandis que le musulman, le croyant qui a commis des péchés, Allah ne va pas le faire demeurer éternellement en enfer. Et il dit parce qu'il n'y a aucun d'entre les croyants qui ont fait des péchés qui sera éternellement en enfer. Et la signification de sa parole lorsqu'il dit il ne sera pas malheureux dans l'enfer de la façon dont les koufars y seront malheureux, c'est-à-dire que les koufars, eux, dans l'enfer, ils perdent complètement l'espoir en la miséricorde d'Allah et ils n'espèrent non plus aucun repos, hein, dans aucune circonstance, tandis que les croyants ne cessent jamais d'espérer d'une miséricorde d'Allah Azza wa Jal dans toutes les circonstances. Et la bonne conclusion, hein, des croyants qui ont fait des péchés, eh bien, c'est-à-dire que tous les croyants, leur conclusion, c'est le paradis. Hein, même si certains d'entre eux doivent être châtiés un certain temps dans l'enfer, ils vont finir par entrer au paradis. Parce qu'ils ont été créés pour le paradis, et le paradis a été créé pour eux. Et donc c'est une grâce, et une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, Cheikh Rabi, hafizahullah, il va expliquer ce point, ce passage. Il dit, قال رحمه الله كان شيخنا الإمام أبو الطيب أو أبو الطيب سهل بن محمد السعلوكي رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار هو كذلك الكافر يختلف عذابه عن عذاب المؤمن فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فالكافر يؤخذ بناصيته وأقدامه ويقذف في النار والعاصي لا أدري كيف يدخل. لكن يختلف في الإلقاء عن الكافر، ثم هو لا يبقى في النار بقاء الكفار فلا يخلد فيها، والكافر يخلد فيها، فالمؤمن ولو كان عاصيا مسرفا على نفسه لا يخلد في النار، فنعوذ بالله من النار. والمؤمنون الكامل الإيمان لا يرون النار ولا يسمعون حسيسها، وفي الجنة هم خالدون. نسأل الله أن يرينا إياها، نسأل الله أن لا يرينا إياها ولا يسمعنا إياها. Donc ici le cheikh il explique premièrement, cheikh Rabi hafizahullah, il mentionne donc le fait que l'imam Sabouni, il cite ici son cheikh Abu Tayyib ou Abu Tayyib Sahel ibn Muhammad al-Su'luki, qui mentionne ce qu'on a expliqué à propos de la différence entre les musulmans pécheurs, les croyants pécheurs qui vont être en enfer, et les kuffars qui sont en enfer, et qu'il y a une différence entre les deux. Et Cheikh Rabi, il explique, il dit, c'est-à-dire que le kafir, c'est différent, son châtiment est différent de celui du musulman qui est, hein, ou du croyant qui est pécheur. Et Allah Azza wa Jal, il dit que ce jour-là, hein, le jour, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, lorsque Allah Azza wa Jal va juger entre les hommes et qu'il va décider du sort de chacun entre les croyants et les non-croyants, il mentionne que yani, les criminels, al-mujrimoun, on va les reconnaître par leurs signes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des signes par lesquels on peut les reconnaître et qu'ils seront saisis par leur toupet et par leurs pieds. C'est-à-dire qu'on va les attraper par le toupet et par les pieds et ils seront hein, jetés ainsi dans l'enfer. Il dit, tandis que le pécheur, il dit, je ne sais pas comment il va rentrer en enfer. Mais il dit, toutefois, il y a une différence avec la façon dont le kafir est jeté. Il dit, puis ensuite, le musulman, le croyant, qui a fait des péchés, s'il rentre en enfer, il ne va pas y demeurer comme le kafir ou comme les kuffars y demeurent, puisque le mu'min qui a commis des péchés et qui rentre en enfer, il ne va pas rester éternellement en enfer. Il dit, même s'il a commis des péchés et qu'il a transgressé, il a dépassé la limite contre son âme, il ne va pas être éternellement en enfer. Fana'udhu billahi minan nar. On demande le refuge, on cherche le refuge d'Allah hein, contre l'enfer. Et il explique que les croyants qui ont la foi complète, eux, ils ne vont même pas voir l'enfer. Ils ne vont même pas entendre son bruit, hein, son rugissement, ou bien son bruit que l'enfer fait. Et ils seront éternellement au paradis. Nasallallah. On demande à Allah qu'il ne nous fasse pas voir l'enfer ni l'entendre. Dit بعد وقال بعد ذلك وهو يشرح هذه العبارات التي قالها شيخه أبو الطيب ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أي يسحبون يعني يسحبون سحبا أو صحبا ويلقون إلقاء ويعذبون بأصناف العذاب بالمقارع والأغلال والأنكال إلى غير ذلك. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وفي السلاسل يسحبون خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون يعني الكفار فعذاب شديد والعياذ بالله خالدون مخلدون فيها أبدا نسأل الله العافية قال المصنف والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس ومعنى لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يقذف في النار ويحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه بقوله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال سبحانه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها والعياذ بالله والشاهد أن عذاب الكافر يختلف عن عذاب المؤمن ولكن من يطيق عذاب الله نعم donc ici le cheikh il explique maintenant il dit après cela il explique les expressions ou les paroles que son cheikh Abu Tayyib a mentionné de ces différences entre le châtiment du mécréant et le châtiment du musulman ou du croyant qui a commis des péchés lorsqu'il va en enfer. Il explique que cette signification, la signification de chaque point qu'il a mentionné, premièrement, le fait que le kafir il est jeté en enfer sur son visage, la tête à l'envers, et qu'il est enchaîné, et qu'il est, on lui met des carcans, autour de son cou. Donc ça c'est le châtiment de la personne mécréante lorsqu'elle est jetée en enfer. Tandis que le croyant, lui, qui a commis des péchés, s'il est puni en enfer, c'est pas la même chose. Et il mentionne donc le verset dans Sourate Al-Qamar. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Donc il dit le jour où ils seront jetés dans l'enfer sur leur visage, on va leur dire goûtez au feu de Saqar. Saqar c'est l'enfer. ذوقوا مس سقر. Dans Surat Al-Qamar, le verset 48, le jour où ils seront traînés dans le feu sur leur visage, on leur dira goûter au toucher brûlant de l'enfer, Saqar. Et également dans Surat Al-Muzzammil, le verset 12 et 13, Allah Azza wa Jal qui dit ce qui signifie, nous avons pour eux de lourdes chaînes. Nous avons pour eux de lourdes chaînes et un enfer et une nourriture à faire suffoquer et un châtiment douloureux. Ensuite, il mentionne les versets dans Surat Al-Haqqa, le verset 30 à 37, dans lesquels Allah Azza wa Jal mentionne également d'autres châtiments pour les kuffars dans l'enfer. Et il dit justement à leur sujet que, quand ils sont jetés en enfer, Allah Azza wa Jal ordonne à ce moment-là aux anges de l'attraper, hein, de le saisir, puis de lui mettre un carcan. Il dit, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Puis, attachez-le avec une chaîne de 70 coudées. Hein? Donc ça, c'est les versets en question. Il dit, car il ne croyait pas en Allah le très grand, et il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'y a donc pas pour lui d'ami chaleureux pour le protéger, ni de nourriture autre que du pu que seuls les fautifs mangeront, c'est-à-dire les mécréants. Et donc c'est un châtiment qui est sévère et dur. Wal'iyadhu billah. Hein? Le châtiment d'Allah, il est dur pour les koufars. Hein? Donc c'est pas des blagues. Et il dit qu'ils vont y rester éternellement. Nasallallahu al-afiya. Et l'auteur, il dit, tandis que le croyant qui a commis des péchés, s'il est brûlé dans le feu, eh bien, il entre dans le feu comme le criminel lorsqu'il rentre en prison, sur ses deux pieds, hein, sur ses jambes, sans qu'il y soit humilié ou rabaissé. Après, il dit, et la signification, la yulqa fi an-nari ilqa al-kuffar, on va pas le jeter dans l'enfer. Et c'est pas tout son corps non plus qui va brûler, contrairement aux mécréants qui, eux, vont brûler dans l'enfer complètement. Chaque fois que leur peau a fini d'être calcinée, on leur donne une nouvelle peau pour qu'ils goûtent au châtiment. Comme Allah l'expliquait dans le verset 56 qu'on a cité tout à l'heure. Hein? Et également dans Surat al-Sajda, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 20, ce qui signifie, chaque fois qu'ils veulent sortir, on les remet, hein, dedans. C'est-à-dire on les ramène dedans. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Chaque fois qu'ils veulent en sortir, c'est-à-dire sortir de l'enfer, on les ramène. Hein, ils sont ramenés à l'enfer. Donc ils ne peuvent pas en sortir. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Donc ça c'est pour les koufars. Et donc il dit pour expliquer ici qu'est-ce qu'on veut tirer de ces points qu'on a clarifiés, c'est que le châtiment du kafir est différent que le châtiment du croyant. Et il dit, mais qui est capable de supporter le châtiment d'Allah? C'est-à-dire que même si on dit que le châtiment du croyant il est moindre que le châtiment du kafir, mais c'est tout de même un châtiment d'Allah et qui est très difficile même pour les croyants. Donc il faut pas s'imaginer que, hein, parce que c'est un châtiment qui est moindre que c'est pas douloureux ou que c'est pas grave. A'udhu billah. Il dit ensuite, Cheikh Rabi' hafizahullah, inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawm al-qiyamati rajulun على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هذا أبو طالب يرى أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة وهو أخف أهل النار عذابا. أبو طالب وإن خفف عنه فإنه لا يخرج منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجده في أعماق النار فيشفع فيه فيخرج إلى ضحضاح من النار. وفي الروايات تختلف في والروايات تختلف، يلبس نعلين أو شراكين من نار يغلي منهما دماغه ولكن يبقى خالدا فيها. Donc le cheikh explique, il dit que la personne qui a le moindre des châtiments dans l'enfer, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, c'est une personne qui a les deux pieds sur deux charbons qui brûlent, et ces deux pierres brûlantes font bouillir son cerveau. hein, à cause de la chaleur. Et ça, c'est le plus petit châtiment de la personne qui a le moindre, c'est-à-dire le plus bas châtiment, le plus petit châtiment dans l'enfer. Et ça, c'est Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc le moindre des châtiments. Et pourtant, pour lui, c'est le pire des châtiments au jour de la résurrection. Donc, il a le plus léger des châtiments parmi les gens de l'enfer, et il considère lui-même que c'est le pire. Et malgré ça, hein, Abu Talib ne sortira jamais de l'enfer, même si on a allégé son châtiment, il ne va jamais sortir de l'enfer. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans certaines narrations, il trouve son oncle dans les profondeurs de l'enfer. Alors il intercède pour lui et on l'amène dans une des parties de l'enfer, justement où ses deux pieds sont dans des pierres chaudes. Et dans notre narration, ça dit il a des sandales, hein, en feu, qui font bouillir son cerveau. Mais il ne va jamais sortir de l'enfer. Il va rester éternellement en enfer. Wal'iyadhu billah. Il dit ensuite, وَقَالَ وَمَعْنَا لَا يَبْقَى فِيهَا بَقَاءَ الْكُفَّارِ أَنَّ الْكَافِرْ يُخَلَّدْ فِيهَا وَلَا يَخْرُجْ مِنْهَا أَبَدًا. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفي آيات قال خالدين فيها أبدا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله. قال ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى فيها شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بال أبدا يعني ييأسون. قال تعالى وهم فيه مبلسون يتمنون الموت فيها. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم في رحمة الله في كل حال حتى يمن الله عليهم بفضله إما بالشفاعة شفاعة الشافعين ومنها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين أو شفاعة المؤمنين أو شفاعة الملائكة وإما بمحض فضله سبحانه وتعالى. قال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. الحق أن الجنة أعدها الله للمتقين في آيات كثيرة والعصاة يدخلونها بفضل رحمته ولهم نصيب فيها ولكن بعد العذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يجنبنا أسباب سخطه إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que la signification lorsque le cheikh a dit et la signification du fait qu'ils ne vont pas rester en enfer comme les kuffars vont y rester, c'est-à-dire que le kafir il est éternellement en enfer, il ne va jamais en sortir. Et Allah Azza wa Jal il dit par exemple dans Surat Al-Bayyina verset 6, certes ceux qui ont renié la foi parmi les gens du livre et les mushrikins, ils sont dans l'enfer pour y demeurer éternellement. Ceux-là sont les pires de la création. Et dans d'autres versets, il explique également, il dit « Khalidina fiha abada » c'est-à-dire ils y demeureront éternellement. Et le verset 23 dans Surat al-Jinn, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie « Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, eh bien il aura l'enfer, hein, il aura le feu de l'enfer » pour y demeurer éternellement. Donc ils ne vont jamais en sortir. Wal'iyadhu billah. Et il dit ensuite, et Allah Azza wa Jal ne va laisser personne d'entre les croyants qui ont commis des péchés demeurer éternellement en enfer. Et la signification de la parole lorsqu'il dit ils ne seront pas malheureux comme les kuffars sont malheureux, c'est-à-dire que les kuffars, eux, désespèrent en la miséricorde d'Allah et ils n'espèrent jamais de repos d'Allah. Ils n'ont jamais de repos. Et il dit, c'est-à-dire qu'ils perdent l'espoir, comme Allah Azza wa Jal dit, وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Ils espèrent la mort. Ils souhaitent la mort. Même dans le verset 77, dans Surat Az-Zukhruf, Allah Azza wa Jal, il mentionne justement la parole des kuffars dans l'enfer, qui s'adresse aux anges, qui s'adresse aux anges de l'enfer. Et ils disent, يَا مَالِكْ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Il s'adresse à l'ange qui garde l'enfer, Malik. Il lui dit, ô Malik, fais en sorte ou demande à ton Seigneur pour qu'il en finisse avec nous, pour qu'il nous achève une fois pour toutes, pour que le châtiment soit terminé, pour que ça s'arrête. Et il répond, il dit, قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Il dit, non, vous allez rester dedans. Vous allez demeurer dedans. Et il dit, en ce qui concerne les croyants, ils ne vont jamais cesser. Leur espoir en Allah et en sa miséricorde ne va jamais cesser. Et il dit, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal les comble de sa grâce, soit par l'intercession, l'intercession des intercesseurs parmi les intercesseurs, le messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'autres parmi les prophètes, ou bien l'intercession des croyants, ou bien l'intercession des anges, ou bien uniquement par la grâce d'Allah unique. Et il dit ensuite, et la belle conclusion, c'est que tous les croyants vont terminer par entrer à l'enfer, par entrer au paradis. Tous les croyants termineront par entrer au paradis à la fin, parce que c'est pour le paradis qu'ils ont été créés. Et le paradis a été créé pour eux, par la grâce d'Allah et par sa faveur. Donc, il dit, le cheikh, la vérité, c'est que le paradis, Allah l'a préparé pour les pieux. Et ça, c'est expliqué dans plusieurs d'entre les versets. Tandis que les pécheurs, eh bien, ils rentrent dans le paradis par la grâce d'Allah, la grâce de sa miséricorde, et ils ont donc une part du paradis, mais après avoir été châtiés. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir sur sa religion et de nous écarter des causes de sa colère. Certes, il entend et exauce l'invocation. Et paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses proches et ses compagnons. Et ça, c'est ce qui conclut maintenant ce chapitre. On passe maintenant à un autre chapitre, Hukm tarik as-salah amdan, c'est-à-dire le jugement de l'islam au sujet de celui qui délaisse la salat volontairement. Et on parle bien entendu ici de la position des salaf à ce sujet. Donc l'imam As-Sabuni, il mentionne ici وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي تَرْكِ الْمُسْلِمِ صَلَاةَ الْفَرْضِ مُتَعَمِّدًا فَكَفَّرَهُ بِذَلِكَ أَحْمَدِ بِنْ حَنْبَلِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَأَخْرَجُوهُ بِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام متعمدا لوجوبها، ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. نعم. Donc ici, l'imam al-Sabouni, rahimahullah, il explique que les ulama du hadith, Ahlul Hadith, les savants de Ahlul Sunnah, ils ont divergé entre eux au sujet du musulman qui délaisse la salat obligatoire volontairement. Donc certains parmi les imams de Ahlul Sunnah ont déclaré celui qui délaisse la salat volontairement, la salat obligatoire volontairement, ils l'ont déclaré kafir. Et donc c'est parmi eux l'imam Ahmad ibn Hanbal et un groupe d'entre les ulama des salafs. Et ils l'ont fait sortir, ou ils ont considéré qu'il était en dehors de l'islam pour avoir délaissé la prière obligatoire volontairement, à cause de la narration ou le hadith authentique qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, et qui dit, ce qui signifie que entre le serviteur et le shirk, il y a l'abandon de la salat. Alors quiconque délaisse la salat a certes renié la foi, ou bien il a mécru. Et un groupe d'entre les ulama, comme l'imam Shafi'i et d'autres également, parmi les ulama des salafs, que Allah leur fasse tous miséricorde, eh bien, eux, ils ont l'opinion que tant que la personne continue à croire en son obligation, c'est-à-dire l'obligation de la salat, c'est-à-dire que la personne, elle ne cesse pas de croire que la salat est obligatoire, donc dans ce cas-là, si elle continue à croire tout le temps que la prière est obligatoire, sauf qu'elle l'a délaissée, hein, eh bien, à ce moment-là, elle n'a pas renié la foi. Hein, elle n'a pas quitté la foi. Il dit toutefois, ce péché d'avoir délaissé la salat, si la personne, elle persiste, eh bien, à ce moment-là, elle mérite d'être exécutée pour avoir délaissé la salat obligatoire. De la même manière que l'apostat, celui qui a abandonné l'islam, doit être exécuté. Et il dit que ils ont interprété cette parole dans le hadith, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, considèrent que celui qui délaisse la salat, il n'a pas renié la foi, qui n'est pas sorti de l'islam. Ils ont interprété le hadith précédent, c'est-à-dire le hadith qu'on a lu tout à l'heure, d'une autre façon. Hein, ils ont compris le hadith autrement. Ils ont compris que celui qui délaisse la salat, c'est-à-dire qui renie son obligation. Et ils donnent comme exemple à ce sujet-là la parole de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam dans sourate Yusuf, quand il dit: inni taraktu millata qawmin la yu'minuna bi la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. C'est le verset 37 dans Sourate Yusuf. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future, c'est-à-dire la vie de l'au-delà, qui nie l'au-delà. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette parole? Quand il dit « j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit ni en Allah et qui ne croit pas en l'au-delà », est-ce que ça veut dire que Youssouf alayhi salam avait cette religion-là auparavant, puis qu'il l'a quittée? Eh bien, il dit non. Justement, c'est la même chose que pour le hadith qui dit celui qui a délaissé la salat, il a renié la foi. Il dit c'est dans le sens qu'il a renié son obligation. Donc, celui qui a renié son obligation, il a renié la foi. Et il dit c'est la même chose que Youssouf dit ici dans ce verset lorsqu'il dit j'ai délaissé la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui renie l'au-delà. Il dit c'est dans le sens qu'il a renié cette religion-là, hein, qu'il refuse de l'accepter ou d'y croire, et non pas qu'il y a cru et qu'il l'a délaissé ou qu'il l'a abandonné. Naam. Donc c'est l'explication qu'il donne à cette narration-là. Et ils utilisent ce verset comme un exemple. Il y a beaucoup d'autres points qu'on va mentionner de toute façon plus tard pour clarifier ce point-là aussi. Donc ici, le Cheikh Rabi, il clarifie, il dit « L'imam As-Sabuni huna yubayyinu aqidata ahli sunnati wa madhhabahum fi tarik as-salati amdan wa dhakara l'ikhtilaf fi dhalik wa qabla an nadkhula fi mawdu' al-khilaf fi hadha al-sha'n نذكر أهمية الصلاة وأهمية الزكاة وأن الله تبارك وتعالى ذكرهما في كثير من الآيات وقرن بينهما في كثير من الآيات قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذه يقولها عن أهل الكتاب وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية فالصلاة والزكاة مشروعة في الرسالات السابقة وهي بعد الشهادتين أعظم أركان الإيمان فبعد الشهادتين الصلاة وتليها الزكاة ثم صيام رمضان ثم حج البيت وهذه الأركان الأربعة عظيمة جدا لكن أهمها الصلاة ثم الزكاة ولهذا يقاتل عليها ويقتل تارك الصلاة لأن الصلاة عمود الإسلام كما في حديث معاذ فالصلاة أمر مهم جدا وإن اختلف العلماء في حكم تاركها عمدا من غير جحود فإنه يخشى عليه أن يكفر والعياذ بالله فكيف يستخف بهذا الركن العظيم الذي هو عمود الإسلام ومن هنا يقاتل ويقتل ومانع الزكاة إذا منعها يقاتل كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فالصلاة شأنها عظيم تقرأ من أول كتاب الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه الزكاة ويقيمون الصلاة لم يقل يصلون بل قال يقيمون الصلاة أي يصلونها على الوجه المشروع ويستوفون أركانها وشروطها ولا يتركون منها شيئا ويخشعون فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون فكم ذكر هاتين أو فكم ذكر الله هذين الركنين في القرآن الكريم، لأن الدين لا يقوم إلا بهما. Donc ici le cheikh il explique que l'imam As-Sabouni rahimahullah il a expliqué la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a ainsi que leur position à propos de celui qui délaisse la salat volontairement, et il a mentionné les divergences à ce sujet. Et avant de rentrer dans la question de la divergence à ce sujet, il est important de mentionner l'importance de la salat et l'importance de la zakat, parce que Allah Azza wa Jal les a mentionnés dans plusieurs versets ensemble, il les a rattachés ensemble, ces deux adorations là dans beaucoup de versets. Et il dit par exemple dans Surat Al-Bayyinah, et ils n'ont été ordonnés, c'est-à-dire les gens du livre, ils n'avaient été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, en étant hunafa, c'est-à-dire en se tournant vers Allah seul et en se détournant de tout ce qui est adoré en dehors de lui, et en établissant la salat et en donnant la zakat. Et voilà la religion de la droiture. Donc ça c'est à propos, il a dit ça à propos des gens du livre. Et à propos de Ismaïl alayhi salam, il dit dans le verset 55 dans Surat Maryam, il ordonnait à sa famille de faire la salat et la zakat. Et il était auprès de son Seigneur agréé. Donc la salat et la zakat sont des choses qui ont été légiférées même dans les messages précédents, aux messagers précédents. Et c'est les adorations qui sont mentionnées ou qui viennent directement après les deux témoignages du premier pilier de l'islam. Donc c'est parmi les plus importants des piliers de la foi. Et il dit, après Ash-Shahadatayn, qu'est-ce qui vient après la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? C'est As-Salat et As-Zakat dans les cinq piliers de l'islam. Donc le premier c'est Ash-Shahadatayn, après ça Antuqim As-Salat wa Tu'ti As-Zakat, ensuite le jeûne du Ramadan et ensuite le Hajj. Donc ça c'est quatre grands piliers. Mais le plus important parmi ces quatre piliers-là, c'est la salat et ensuite la zakat. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de combattre pour cela. Celui qui délaisse la salat aussi, il est tué en islam. Selon les règles de la charia, il est exécuté. Il dit parce que la salat, c'est le pilier de l'islam. Comme c'est mentionné dans le hadith de Mu'ad. Salat umoud de l'islam. Donc, la salat, c'est une chose très importante, même si les ulamas ont divergé au sujet du verdict de celui qui la délaisse volontairement, sans la renier, c'est-à-dire sans renier son obligation. Ou le fait qu'elle est légiférée. Donc on craint pour cette personne, par contre, qu'il soit dans le coffre, qu'il ait renié la foi. Wal'iyadu billah. Comment une personne peut-elle manquer de respect envers un pilier aussi important, alors que c'est le pilier de l'islam? Et également, si on tient compte du fait que la personne qui ne la fait pas, elle est combattue et elle est même exécutée en islam. La même chose aussi pour celui qui délaisse la zakat et qui refuse de la donner. Il est combattu en islam. Comme Abu Bakr radiallahu anhu a combattu ceux qui refusaient de donner la zakat. Et il dit, comme c'est rapporté dans le hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, par Allah, certes, je vais combattre quiconque fait une distinction entre la salat et la zakat, parce que la zakat c'est le droit de l'argent, le droit d'Allah dans l'argent, c'est la zakat. Et il dit par Allah, je jure que s'il refusait de me donner, une corde ou quelque chose Yani, même si c'est une petite chose, s'il le donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il refuse de le donner aujourd'hui, eh bien je les combattrai pour qu'il le donne, hein, jusqu'à ce qu'il le donne. Tout ça pour dire donc que ça c'est l'importance de la salat et de la zakat. Donc la salat c'est une très importante adoration et on peut lire à ce sujet-là les versets comme les versets dans Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la Raiba Fih, voici le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, une guidance pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible, qui établissent la salat et qui dépensent de ce qu'on leur a donné comme subsistance. Ça, et le cheikh il dit, quand Allah il dit dans le verset qu'ils dépensent de ce qu'on leur a donné comme subsistance, ça veut dire la zakat. Hein? Et quand il dit qu'ils établissent la salat, il a dit, il n'a pas dit qu'ils font la salat, il a dit qu'ils établissent la salat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils établissent la salat en voulant dire qu'ils l'ont pris de la manière dont elle a été légiférée, c'est-à-dire en respectant ses conditions, en respectant ses piliers, ses conditions, et en ne délaissant rien de cela, avec la concentration et l'humilité. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset 1 à 4, dans Surat al-Mu'minun, il dit, certes, les croyants ont eu le succès. Ce sont ceux qui ont de l'humilité dans leur salat. Et ce sont ceux qui se détournent des distractions, hein, et des trucs frivoles qui n'ont pas d'importance. Et ce sont ceux également qui donnent la zakat. Donc ça, c'est la description qu'on a donnée des croyants. Donc combien Allah, dans combien de versets on regarde dans le Coran, on trouve que Allah Azza wa Jal a mentionné ces deux piliers-là mentionnés ensemble. Et donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'établissement de la religion sans ces deux piliers-là. Hein? Et il dit, وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ نعم شهادة بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والحج وصوم رمضان. C'est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Ibn Umar رضي الله عنهما. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل المشهور أن جبريل عليه السلام قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فسمى هذه الأمور دينا إن الدين عند الله الإسلام ولهذا اختلفوا في تكفير تارك الصلاة وتارك الزكاة أيضا كما سيأتي لمحة عن هذا إن شاء الله. Donc on va traduire ici, après on va expliquer la semaine prochaine, on expliquera la suite, on va expliquer ce dernier point qu'on a lu ici tout de suite. Donc il dit le cheikh que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam a été basé sur ou bâti sur 5 piliers. Yani le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et le fait d'établir la salat, de donner la zakat, de faire le hajj et le jeûne du ramadan. Donc ça c'est les 5 piliers de l'islam. Ensuite, le cheikh explique que le Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a rapporté dans le hadith de Jibril, qui est célèbre, que Jibril a dit, alayhi salam, ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'islam, c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et que tu établisses la salat et que tu donnes la zakat et que tu jeûnes et que tu jeûnes le ramadan et que tu fasses le hajj à la maison si tu en as la capacité. Il a dit oui, tu as dit vrai. Hein, il a dit tu as dit vrai. Alors il dit on a été étonné de voir qu'il pose la question et que par la suite il confirme. Hein, c'est comme si en voulant dire oui il approuve. Comme si en voulant dire comment il pose la question alors qu'il dit tu as dit vrai comme si ça veut dire comme s'il savait déjà la réponse. Comment il pouvait savoir la réponse alors que le messager d'Allah c'est lui qui nous apprend la religion. Hein? Alors il a dit informe-moi au sujet de la foi. Il a dit c'est que tu crois en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers au jour dernier et que tu crois en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et il dit, oui, tu as dit vrai. Hein? Il a dit ensuite, informe-moi au sujet de al-ihsan, la bienveillance et l'excellence dans l'adoration. Il a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu arrives à le voir. Et si tu n'arrives pas à le voir, eh bien, comme si toi, tu le vois. Comme si lui, il te voit. Hein? Tu l'adores en sachant que lui, il te voit. Alors, il a dit ensuite, informe-moi au sujet de l'heure du jugement dernier. Il a dit, celui qui pose la question n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Alors, il a dit, alors à ce moment, alors dans ce cas, dis-moi à son sujet, au sujet de ces signes, les signes de l'heure du jugement dernier. Il a dit, parmi les signes, il y a que l'esclave va mettre au monde son maître. L'esclave va mettre au monde son maître. Et il dit, et tu vas voir également les va-nu-pieds, hein, pauvres, hein, qui sont pleins de poussière et qui sont des bergers de moutons, qui font la compétition dans la hauteur des bâtiments. Et il a dit, puis ensuite il est parti, hein. Il est parti, je le regardais s'en aller. Et il a dit ensuite, « Oh Omar, est-ce que tu sais cette personne qui c'était, qui posait des questions ?» Il a dit, « Allah et son messager savent mieux. » Il a dit, « C'était Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. » Et c'est rapporté par Muslim. Donc il a dit, il l'a appelé, tout ce que Jibril avait questionné, les choses qu'il a répondu, il a appelé ça la religion. Donc, ça, c'est pour dire que ce hadith-là nous résume ce qu'est l'islam, ce qu'est la religion. Et comme Allah il le dit dans le verset 19, dans Surat Al-Imran, la religion pour Allah, c'est certes l'islam. Certes, la religion pour Allah, c'est l'islam. Et il dit, c'est pour cette raison-là que, hein, il y a eu des divergences au sujet de celui qui délaisse la salat et de celui qui délaisse la zakat. Et donc, on va en mentionner quelque chose, incha'Allah.